L'origine de la pensée nouvelle, voilà le titre du texte que j'ai rédigé et dont je vais faire la lecture là, dans les prochaines minutes. Vous pouvez le retrouver en bas de l'enregistrement présent en cliquant sur le lien y figurant. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! La pensée nouvelle sert à générer des formes différentes sur le plan physique et à permettre à l'esprit de s'exprimer dans une réalité plus dense que celle dans laquelle il réside, soit celle éthérique. La pensée nouvelle a pour fonction de faire la liaison psychique entre le plan physique et éthérique dans la conscience de la personne qui est le point de jonction entre ces deux réalités. Donc, la pensée sert à transporter de l'information d'un plan de réalité à un autre. La pensée est le fruit de l'activité de l'esprit qui entre en mouvement. Une pensée, c'est une action de l'esprit qui peut servir à mettre en mouvement un individu, à le changer et à le dynamiser. Il n'y a pas de renouvellement psychique individuel sans accès à de la pensée nouvelle. La pensée, à la base, est produite d'une réalité éternelle et absolue qui peut être acheminée dans un espace et un temps relatif ensuite sur le plan physique. La pensée peut voyager et pénétrer des réalités multiples en vue de les ensemencer d'idées nouvelles qui vont générer des formes différentes. La pensée nouvelle provient de la créativité de l'esprit. Elle existe au-delà de la dimension physique étant indépendante du cerveau biologique. Le cerveau physique est capable de recevoir la pensée déjà existante et traiter l'information s'y rapportant. Par contre, il ne peut pas la générer, soit la créer. L'individu en tant qu'ego peut analyser une pensée et l'interpréter en y réfléchissant, mais ne peut pas en engendrer de nouvelles. Il peut recevoir passivement des pensées venant des plans de la lumière où réside son esprit. De plus, il peut l'amener de manière active à lui acheminer une pensée créative dans le cadre de son rapport avec lui de manière à lui dévoiler des choses. L'ego ne génère pas de nouvelles pensées, mais c'est son contact avec sa source, son esprit, qui peut lui donner accès à ces dernières. Il peut être influencé par la source comme il peut l'influencer. Cela va dans les deux sens. La pensée à l'origine est le fruit de l'activité vibratoire de l'énergie de l'esprit qui se meut et ensuite le cerveau, en fonction de sa programmation, va l'intercepter et l'interpréter pour lui donner des formes et en faire de l'information. Le cerveau appauvrit l'élan vibratoire de la pensée nouvelle pour la codifier en fonction de sa capacité limitée de la percevoir et sa programmation. Il génère alors de la connaissance, des vérités et des croyances se rapportant à un savoir qui ne s'appréhende pas pleinement par l'intellect. L'individu va réfléchir à travers le cerveau qui filtre l'information. Il peut croire qu'il pense la pensée alors qu'en fait, elle ne provient pas de lui. Il n'a que pour rôle de traduire la pensée étant le fruit de l'activité de l'énergie de sa source en mots et en actions sur le plan physique. Sans contact de l'individu avec sa source, il ne peut pas avoir accès par lui-même de manière autonome à de nouvelles pensées qui vont pouvoir émerger dans sa conscience. Une fois une pensée nouvelle présente dans un système de vie, comme le plan physique, elle peut être utilisée par tous les êtres qui y résident, qui peuvent y avoir accès. C'est comme de mettre une information sur Internet où les gens qui ont accès à ce réseau de communication peuvent la télécharger à volonté ensuite. La pensée nouvelle provient du plan éthérique. Il est la source du plan physique qui s'avère le résultat de son activité. Les pensées sont utilisées par des entités sur le plan éthérique pour programmer des gens sur le plan physique en vue de les amener à faire certaines choses. Elles visent à orienter les gens dans certaines directions. Dans un autre ordre d'idée, la pensée ancienne est le résultat de la récupération de pensées déjà existantes par des entités astrales qui utilise de la pensée déjà produite par de l'esprit pour influencer des individus à leur avantage. Les pensées anciennes ne sont pas porteuses de la même puissance vibratoire et elles peuvent être utilisées pour détourner les gens de l'actualisation d'un agenda en relation avec les pensées venant de l'esprit. Toutes les formes qui sont produites par le cerveau humain suite à de la captation de l'énergie de l'esprit peuvent être utilisées ensuite par des entités astrales pour aller contre lui. Donc, toutes les pensées que l'individu reçoit ne sont pas nécessairement bénéfiques et nouvelles. Il a intérêt à faire preuve de discernement. Le moyen de faire la distinction entre la pensée ancienne et celle nouvelle est d'observer la qualité énergétique s'y rapportant, soit son taux vibratoire. Celle nouvelle est toujours plus élevée sur le plan énergétique que celle ancienne étant le produit d'une réflexion d'une diffraction de l'énergie primordiale et n'étant pas porteuse de la vitalité de l'esprit. Voilà ce qui termine la lecture du texte que vous pouvez retrouver, comme mentionné précédemment, en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute.